chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Le temps de parler de la chronique du soccer avec notre ami Patrick Tropeano. Salut Patrick! Patrick, salut, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au soccer à Dolbeau-Mistassini dans l'ensemble? Cette semaine, on a eu juste quelques matchs. Donc, on a eu le U12 qui a joué à Robertval, puis qui ont perdu 7-0. Okay. Le U16 féminin a joué ici à Dolbeau contre l'attaque de Saint-Prime avec une victoire de 1-0. Puis notre senior masculin, ils ont joué hier au Parc Lyon. Puis un match nul 4-4 contre le Mistral de Montréal. Ok, donc. Mais il y a pas mal de matchs qui s'en viennent. Oui, j'ai recommencé à faire les huitièmes de sport local. Puis je parle toujours des résultats soccer. Mais il me semble qu'il y a moins d'équipes à Dolbeau-Mistassini que les autres années. Ça se peut-tu? On doit avoir les mêmes équipes que l'année passée, même plus parce qu'en U10 on a plus d'équipes. Ça c'est que c'est ça, cette semaine c'est une petite semaine de match, mais la semaine qui s'en vient là, il y en a quand même pas mal, je te dirais. Okay. Et demain, ce qu'il faut mentionner aussi, demain c'est votre fameuse fête du soccer où c'est pas mal le fun d'aller là. Oui, demain c'est la fête du soccer pour les plus petits parce que la Ligue des Champions s'est terminée cette semaine. Donc on leur fait une petite fête demain avec des remises de médailles, un souper hot dog, il y a des jeux pour les jeunes, il va y avoir d'autres surprises aussi. Donc en plus ils nous annoncent autant. Donc ça va être vraiment le fun pour les jeunes aussi, qui sont très tristes aussi de devoir arrêter de jouer déjà. Ah oui, effectivement, déjà là, écoute, c'est les vacances, hein, que voulez-vous? Donc, cette semaine, est-ce que tu as des résultats? Tu sais quel match qu'il va y avoir au programme? Oui, cette semaine, il y a quand même pas mal de matchs. Donc, juste aujourd'hui, mercredi, on a notre U16 qui joue à Chicoutimi, le U16 masculin. On a le U12 aussi qui vont jouer à Saint-Prime. Sinon, c'est ça, notre dimanche à Saint-Ambroise, c'est le senior masculin qui va jouer à Saint-Ambroise à 21h. Et pour les matchs plus qui vont être ici, donc on aura lundi, on aura le U12 qui va jouer contre Saint-Félicien au Parc Lyon à 19h. Et à 20h15, tout de suite après, on va avoir le U16 féminin qui va jouer contre Allemand, toujours au Parc Lyon. Donc, on va suivre ça de près, puis on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, on s'en reparle la semaine prochaine. OK, donc voilà, c'était Patrick Tropeano, le relationniste de l'Association de soccer de Dolbeau-Mistassini.